En vente chez tous les bons marchands. CKRL HD. Une radio haute décibels. Commence. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Je demande ça parce que Marc est à côté de moi ce soir. Bonsoir, Michel. En fait, il est face à moi. Je vais être plus précis. Bonsoir, chers auditeurs. C'est que donc ce soir, on est en tandem, en duo ou en trio. Ah, ben oui, c'est ça. Oui, mais je parle d'animation, là. C'est le triangle. Bon, le triangle des Bermudes, mais parce qu'on réussira jamais. On a perdu Bruno depuis longtemps. Là. Bon. Ben, c'est comme je disais, bienvenue, bonsoir, et bienvenue à Terra Incognita. Deux heures de bon rock progressif, évidemment. C'est pas pour rien que vous êtes là, là. Hein? Tout le monde est bien conscient et consentant à deux heures de bon rock prog. Et on va commencer ce soir avec, j'appelle plus ça une nouveauté, c'est plus une exclusivité. Le prochain disque de Fabio Zuventi, qui est présenté sous le nom de Zuventi. Et puis, je sais, il y a quelques amateurs de prog italiens qui doivent se dire, pas un disque de Fabio Zuventi. non, c'est parce qu'on en parlait, Marc et moi, tantôt. Puis, il faut dire que les disques qui ont été présentés sous son nom, ça m'a pas convaincu. Tenez-vous loin des autres disques de Fabio Zuventi, parce que si vous êtes amateur de rock progressif. C'est ça, parce que c'est ça a aucun rapport. Aucun rapport avec tous ces super projets. Mais celui-ci, la Quarta Vittima, c'est quelque chose. C'est vraiment, je l'ai écouté trois fois dans la ligne aujourd'hui. Là, puis, ça s'annonce bien pour la convention très 2014. Bon, oui. D'ailleurs, c'est ça. Si je me fie juste à ce que j'entends là, je pense qu'on va avoir droit. On s'ennuiera pas, là. Non, on s'ennuiera pas. Ça va être vraiment toute une soirée. Le 18 mai, au Centre d'art, en passant. Et puis, tant qu'à y être, les billets sont déjà en vente aussi. Zuventi, le 18 mai. Et j'ai quasiment le goût de confirmer. Il y a des musiciens. Sonus Umbra aussi. Oui. Ah, Sonus Umbra. Oui. Des États-Unis avec leur nouveau disque. Et qui est excellent. Oui, c'est ça. Pour ce show-là, Fabio Zuventi a monté un groupe. Lui, il appelle ça All Stars. Des musiciens qui est allé piger un peu partout. C'est le batteur de Il Tempio de Les Cédrés. Le guitariste de La Mascara di Chera. Le saxophoniste de Delirium. Et puis, il m'en manque un. Je pense que c'est le claviériste d'un vieux groupe italien qui s'appelait Clemen. G-L-E-E-M-E-N. Ah oui. Les répétitions, j'ai eu quelques nouvelles cette semaine, puis il me disait que les répétitions sont à la hauteur de ses espoirs. Donc, wow. Ça promet pour le 18 mai. Ben non, on ne fera pas languir plus que ça. On va commencer, on va en écouter une première pièce. Donc, le disque, officiellement, doit paraître en janvier. Je n'ai pas la date exacte. Je pense que c'est mi-janvier. Donc, on a un bon mois d'exclusivité. Et, ben, on va en profiter. Donc, la première pièce, et c'est la première pièce du disque, Non Passo Parlare Più Forte. I promised you the great secret, and I will not disappoint you. Is this the end of our adventure? Nothing has an end. We came in search of the secret of immortality, to be like gods. And here we are, mortals, more human than ever. If we have not obtained immortality, at least we have obtained reality. We began in a fairy tale, and we came to life. But is this life reality? No. It is a film. caso cerchi me, o mio altro io. Cerchi il tuo ricordo che è presso di me. Forse che come specchi moltiplichiamo. All'infinito immagine dopo immagine. Oggi è un nuovo giorno che ancora perderò nel labirinto. Guardo dentro il perimetro una costruzione sfatta dai secoli. trattiene nel più fragile ricordo. Io non so più che cosa è vero. Io che ho tradito e rinnegato. Una donna grigia come pietra sfama il figlio di nessuno. Strada che percorro e si allunga il mio cammino. Prostitute tutte uguali, labbra nere di ferita. Un viso che è la moltitudine. E si ripete all'infinito. Donna grigia il corpo mio scagnita. Nutre senza mio dolore. Conservato.

Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sion le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. De retour, et voilà. On a eu une belle demi-heure de prog italien. Deux pièces de Fabio Suvanti. Sous le nom de Zuffanti. Oui, tout court. Son prochain disque, je le précise, cherchez-le pas, il est pas disponible. Dans un mois, je pense. Sauf erreur, il me semble que c'est ça, environ un mois. C'est tout un album, hein, comme tu nous disais, c'est comme ça tout le long. Pas comme on vient d'entendre, les juste deux premières avant, pièces, ouais. Là, mais je veux dire, il y a des variations. On parlait de Finistère, mais il y a des pièces que ça tombe plus du côté de Finistère. Ce qu'on a entendu, évidemment, c'est plus près de la Mascara di Chera. Mais c'est ça. Dans le fond, il y a comme résumé tout ce qu'il a fait dans ce disque-là. Le meilleur de tous les mondes. Exactement. Puis pour finir le bloc, on avait une pièce courte plus douce. Oui, après cette fête... brasser un petit peu. C'est une autre formation italienne, Run Strain, qui en sont, je pense, c'est leur troisième disque, eux autres. Ils font comme une fixation sur Stanley Kubrick. Parce que c'est toujours... En Italie, quand ils présentent leur concert, le film est projeté en arrière. OK, d'accord. Là, je ne sais pas, pour celui-ci, là, ils sont consacrés à Space Odyssey. Et l'autre avant, c'était The Shining... Et puis, c'est vrai, il y en a un, le premier, c'était Nosferatu, c'est pas Stanley Kubrick, mais ça fait deux Stanley Kubrick de suite. Là. OK, fait qu'ils font de la musique de film. C'est ça, le film est projeté, puis eux jouent live, comme si c'était eux qui créaient la trame sonore du film. Oui. C'est assez spécial, j'aimerais ça voir ça. ils ont choisi Space Odyssey, puis comme le titre l'indique, c'est Part 1, donc il va y avoir une suite à ça. Et ça c'était tranquille comme, mais il y a des bouts c'est pas mal plus proche qu'on va probablement remettre une autre pièce ce soir là. D'ailleurs, ça paraît que tu qu'on aime le prog italien, nous autres, ça. Je pense que comme je disais à Marc, on devrait demander un pourcentage de ristourne de la maison italienne de la culture. On est les meilleurs ambassadeurs. Et puis, c'est sûr, mais on a fait le tour. On va changer de pays. Mais en parlant d'Italie, oui, juste avant. The Watch. The Watch qui a été confirmé et puis les billets sont en vente. Encore au Centre d'art, 3, 4 et 5 avril. Les 3 et 4, ils vont faire. Seconds Out. Genesis. Intégral, oui. Ouais, et puis, on va avoir droit à un des très, très, très rares. Ça a l'air drôle à dire de même, là. Un des très rares concerts de The Watch. Qui font la musique de The Watch, qui seulement. Qui font The Watch. Ça va être le 5. Ça va être le 5. Je pense qu'ils en font deux par année. Même, je me demande s'ils en ont fait cette année. Je suis même pas certain en 2013 qu'ils en aient fait. Ils pratiquent rarement leur propre musique. Ils n'ont pas le temps. Ah oui. C'est ce que Simone disait. Toujours en tournée avec... On est toujours en train de monter quelque chose. Puis on n'aboutit jamais à faire quelque chose de The Watch. Mais là, ça va être vrai. Et puis, ils vont venir nous présenter en même temps un nouveau disque qui va s'appeler Tracks from the Alps. Avec du matériel original? Ah, totalement. Wow. C'est un tout nouveau disque. J'ai parlé avec Simone la semaine dernière et puis ils sont encore en train de mixer encore. Puis si on est chanceux, ils vont nous jouer une pièce de cet album-là. D'après moi, oui. Puis là, il y a un nouveau bassiste, là. Oui, parce que Guglielmo Marotti a quitté pour des raisons personnelles qui sont, sa blonde a accouché et puis... Sa vie a changé. On fait pas de propagande pour le taux de natalité là mais... c'est une question de choix. Là. Ça, il tentait plus de se promener. Parce qu'avec The Watch, il se promenait beaucoup en Europe. Toujours en tournée. Il était rarement à la maison. Hein. Et puis, finalement, il a pris la décision de... rester à la maison. Il va probablement faire, autre chose musicalement, peut-être plus travailler en studio, mais de toute façon, en plus, c'est un excellent outil. Donc, il fabrique des instruments de musique. La fameuse basse, la guitare qu'il avait la dernière fois qui était mise, c'est lui qui l'avait fait. Il n'est pas pris. Là. Il y a plusieurs cordes à son violon, comme on dit. Parlant de bons groupes qu'on a vus à la convention, Sky Architect vient de faire un nouveau disque qui est vraiment bon, là. Ouais, des genoux qui nous surprennent de plus en plus. Écoute, déjà quand ils sont venus, il y a 3 ou 4 ans, je suis plus sûr. 3 ans, c'est sûr. Assurément 3 ans, ça c'est oui. C'était déjà. Bon, peut-être 4, oui. Parce qu'il y en a eu un autre entre les deux. Mais c'était déjà comme quelque chose. Tu sais, je veux dire, tu voyais qu'il y avait un potentiel assez criant, mais là, ce disque-là. Là, et puis même, il y en a un des membres qui. Je pense que c'est. Je me rappelle plus si c'est. En tout cas. Christian, je pense. Chris, celui qui fait. Il commence un projet bientôt de. C'est des pièces. Il va livrer une pièce par mois, je pense. Tu t'abonnes. Ça s'appelle le Black Vortex. Et puis, c'est le projet. Il va présenter son disque pièce par pièce, puis tu vas pouvoir les recevoir au fur et à mesure. une par mois, je pense. Écoute, sauf erreur, il me semble que c'est ça. Je vous reviendrai avec plus de détails. J'ai reçu le message comme aujourd'hui, là, puis j'ai pas le temps vraiment. J'ai lu ça comme en diagonale. Ça a l'air intéressant. Puis ça, je pense qu'il est rendu à son troisième disque solo, lui, ce genou, qui m'avait d'ailleurs surpris quand ils ont joué un peu plus... Après la journée d'après la convention, quand ils ont joué à Ninkasi. Puis j'avais une conversation avec, puis je m'étais quasiment pogné, entre guillemets, avec, parce que, à ma grande surprise, Chris était un fan fini de Michael Jackson. Et ça m'a. J'étais resté comme bouche bée. Incroyable, mais vrai. Je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il m'a regardé. J'ai dit, oups, je pense que j'aurais pas dû dire ça. c'était pas fin, mettons. Ouais. Bon, enfin. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, on parle de Sky Architect. Leur nouveau disque, Billion Years of Solitude. Un premier extrait. Peut-être un deuxième ce soir. Peut-être même un troisième. Ben, au moins deux. On va s'entendre pour deux. Donc, on y va. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de Terrain Incognita avec Marc, Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est CKRL 89.1. Enchanting dream of what will come and will be. Mm-hmm.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Tout un jour à te regarder, à t'observer, à t'écouter. Tout un jour à être près de toi, à vouloir t'aimer sans le pouvoir. C'est terriblement long. On finit par plus pouvoir le supporter. C'est ça aussi l'éternité. C'est ça l'enfer. T'as tellement bu aujourd'hui. Fallait que j'empêche le mal de me dévorer. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des hommes plus malheureux que les autres. Les Beaux Dimanches de Marcel Dubé, au Théâtre du Conservatoire. Du 8 au 15 décembre. Billets en vente au Conservatoire. Étudiants 5$, adultes 10$. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale où vient s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. Le vendredi 13 décembre, 20h à Premier Acte, 870 de Salaberry, la Ligue québécoise d'impro BD vous invite à venir découvrir son spectacle « Improvise-moi une BD ». Billets 12,50 $ sur fbdfq.com ou à la porte. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, cette soirée de la Ligue québécoise d'impro BD est présentée en collaboration avec CKRL. Découvrez un événement hors du commun. Legal. C'est parce parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écoauthentique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écoauthentique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écoauthentique.com. Le Chichio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Et voilà, de retour. Liba, après une petite expédition interstellaire, c'est Walrus, le nom de ce groupe. On pensait peut-être un peu à Pink Floyd, période oui. Uma Guma, mais sauf qu'à un moment donné, ça vire comme anecdoton, période... Plus scandinave. Période nucléus, quasiment. Là. Et en fait, c'est un groupe norvégien, mais il y a quand même le batteur d'Anglagarde, de Mathias Olsen, qui est présent avec son frère. On me dit que c'est son frère jumeau. Donc, c'est deux batteurs, un bassiste et puis un claviériste. Ça s'appelle Walrus. Ils ont un seul disque éponyme, paru l'année dernière. Moi, je viens de découvrir. Là, je connais pas du tout non plus, mais c'est je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de diffusion, mais pourtant Mathias Olsen est là. Ben oui. Ça aurait normalement dû, là, mais moi, en tout cas, j'adore ça, c'est ma préférée du disque. Là. C'est un mélange de Mortier Macabre, d'Anecdoton, de Pink Floyd, de Pink Psychedelic. Là, c'est bon. Ah oui. Une belle ambiance. Oui, exact. Il y a vraiment une touche Mortier Macabre. Moi, Mortier Macabre, je veux dire, dans mon palmarès de disques scandinaves, là, il est haut côté. C'est mélancolique et la guitare de Reinhard Fiske dans ça, là. Mortier Macabre. Symphonique Holocauste. Ça s'enchaînait vraiment bien avec Sky Architect. Oui, Sky Architect, A Billion Years of Solitude. Des jeunes. Ouais, j'étais pour dire hollandais, mais c'est des néerlandais. Des néerlandais. Parce que, comme ils m'ont expliqué, la Hollande n'est qu'une province des Pays-Bas. J'ai dit, bon. Nous, on a toujours dit hollandais. Ah oui. Mais des néerlandais. Parce qu'ils viennent de Netherland. C'est notre cours de géographie 101. Et puis, ben, tant qu'à parler de géographie, ben, on va aller faire un petit tour du côté de l'Italie, cette fois-ci. Quelle surprise, ouais. On aime la chaleur, il fait un peu froid ce soir, on va laisser chauffer en Italie. Un petit peu de soleil. Avec un groupe que j'ai découvert il y a comme 2 ans, Fungus. C'est leur plus récent, The Face of Evil, mais non, il n'y a pas de... Ça n'a aucun rapport, là. C'est pas du heavy metal? Non, c'est pas du heavy metal, c'est plutôt du prog psychédélique. D'ailleurs, le chanteur par bout, il me fait penser un peu comme de rythme, ou un peu comme Jim Morrison, je trouve, comme rythme. Et, enfin, vous allez voir. Ben oui. C'est peut-être pas sur cette pièce-là, là, mais enfin. Fungus, donc, The Face of Evil, ça nous vient d'Italie. C'est leur troisième, en fait, c'est leur troisième disque. Ils ont quelques EP aussi qui sont parus, là, dont un sur Mello. Il y a plusieurs années, le Mello. Ouais, moult années. Il va faire une dizaine d'années. Et puis ça vient de sortir. Donc, on est pas mal à jour, là. C'est vraiment... Enfin, vous allez juger par vous-même. Donc, on écoute donc Fungus. Ben, c'est notre dernière heure, déjà. Ben, c'est vrai qu'on n'a rien que deux, là, mais il nous reste une heure encore. Je vais revenir plus tôt là, pour dire quand ça va être la dernière demi-heure. Ça va être plus... À propos. Donc, Fungus d'Italie. Et puis, on a bien d'autres choses encore, évidemment, pour la dernière heure. C'était Incognita avec Marc, Michel et Bruno et CKRL 89.1. Follow my head. with my pain and my fear. I walk and I crawl and I size every soul, cause I see every way except mine, and it grows. Everything that I choose, every moment I lose is just tears in the rain. Can we measure our pain? Oh, rain, please wash away all my sins. In my head there are questions that cannot be answered. Have you listened? Have you listened to the sound of no one speaking? Have you listened to the sound of one clapping? Have you ever wondered how silent could have been the only way? Have you listened to the sound of no one speaking? Have you listened to the sound? Sun or raindrops falling through my brain. Questions. My questions become monologues. Monologues. I see the space I left behind with the sound of my regret. Watch the storms and you become a blade. vicarious redemption. You better pray and do it well. God, it's your future. Yeah. Come on, make some noise.

C'est rare, c'est drôle à dire, mais c'est rare qu'on passe du prog britannique. Oui, quand même. Il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, là, je pense que après la Suède, là, la Pologne, là, c'est rendu que c'est l'Italie qui a repris, vraiment. Le flambeau, là. C'est vraiment là que ça se passe. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un retour. Là. Les États-Unis aussi, beaucoup de production. C'est vrai, c'est vrai. L'Angleterre, mais... Mais beaucoup moins. En Sweden, là, c'est pas leur premier disque, là. C'est quand même ça, c'est leur deuxième, je pense, troisième. J'en ai un avant celui-là, mais je me suis pas attardé à ça à leur cas pour savoir là, s'ils en ont plus que ça. Il y avait Big Big Train aussi, de l'Angleterre. Là, tu vas trop vite. Ah, là. Ouais. Mais non, c'était juste avant. Tu vas pas si vite que ça, c'est correct. Tout juste avant, c'est ça, c'était Big Big Train de leur EP, Make Some Noise. Ou, si vous voulez acheter la nouvelle version de English Electric, ça s'appelle, là, c'est Part 1, Part 2. Donc, ouais, je pense que ça s'appelle Power, Full Power, ou quelque chose comme approchant. En fait, ils ont réuni leurs deux disques, les deux derniers. Ils ont rajouté quatre pièces. J'ai vu l'objet, c'est très beau, là. Donc, avec un beau livret. C'était une des pièces inédites, là. Ça, c'est une des pièces Make inédites. Some Noise. C'est ça, c'est la pièce titre du EP, parce que ils ont quand même lancé des pièces séparément pour ceux qui voulaient pas acheter. S'acheter de nouveau, là, les deux disques. Donc, ils ont ajouté des pièces, justement, pour que ça fasse quand même un objet de collection. Ben oui. Donc, quatre pièces inédites. Donc, Make Some Noise qu'on vient d'écouter, qui avait un petit côté de Jethro Tull. Oui, c'est assez différent là, des autres pièces. Là, ouais, moi, j'adore ce groupe-là, mais ça ne changera pas mon opinion. Et puis, on avait Airbag, les Norvégiens, en tout cas, sont pas mal dans le mood, là, je trouve, de plus en plus, de Porcupine Tree, eux autres aussi. Mais là, le groupe n'existe plus. Peut-être que c'est le temps de prendre une place qui est libre. Oui. Mais il est bon, franchement, là, The Greatest Show on World, ouais. Je l'ai écouté comme plus qu'une fois. Et puis, on avait commencé avec Fungus. Les autres Italiens. Les autres, c'est plus années 60. Là, Oui. Et puis, tout à fait ce que tu disais par rapport au chant là, qui fait, ça fait comme Morrison. Jim Morrison. Ouais, puis, un enregistrement dans la sonorité des années 60. Je serais curieux de jaser avec le bonhomme. Je suis pas mal certain que... Il doit avoir quelques disques des Doors chez eux, d'après moi. Là, je peux le dire, dernière demi-heure. Et on va aller faire un petit tour du côté de l'Italie. Avec, c'est concept. Ça, c'est assez, je dois dire. En fait, je me suis intéressé à un bonhomme qui s'appelle Francesco Zago. Et qui? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis sur pied avec d'autres musiciens le Not a Good Sign, qui, pour moi, est une des révélations de 2013, Not a Good Sign. En tout cas, c'est le genre... Je pense que si je ne l'ai pas écouté 500 fois, je ne l'ai pas encore écouté une fois. J'adore ce disque-là. Et puis, j'ai découvert que monsieur Zago, en question... Ben, il jouait aussi dans un autre groupe. Ben, en fait, il joue dans Jugend, avec Paolo Botta, qui lui aussi a sorti un disque assez intéressant, Ske, S-K-E, il y a quelques années, hein, qui faisait un petit peu Anglagarde. Ils travaillent beaucoup ensemble, ces deux-là. Là. C'est qu'ils ont un groupe aéreo, Jugend, et puis il y a un autre groupe plus folk, atmosphérique, qui s'appelle Empty Days, et c'est ce qu'on va écouter. Le disque éponyme Empty Days, ça pour dire que M. Zago, il ne doit pas dormir ailleurs que dans le studio. Ça doit ressembler à ça. Il a son lit pas loin. C'est ça. On a encore des belles surprises jusqu'à minuit. Ça va être ça avec Not a Good Sign. Probablement. Sûrement même. Ben oui, je vais le faire, mais c'est juste parce que je voulais réserver la surprise. Mais là, bon, ça ne serait plus une surprise, Marc. Merci. On y va avec Empty Days. C'est la dernière demi-heure. Terrain Incognita, Marc, Michel et Bruno. C'est KRLMF 89.1. Coming back home on this September. Summer lights go down. Distant sounds beyond the window. shadows on my table. Sitting silent, gently shouting, oh. Summer sleep. Pure dark doesn't make sense. As much as pure light, however, on the border of shame, sitting silent, gently. Always from my summer sleep. Pure dark doesn't make sense. As much as pure light, however, on the border of shame, you can't get out your own deserts once you simply set foot in them. Time flows back outside my window, empty days before. Coming back home this September, finally summer lights go down. Distant sounds beyond. Silent, gently shouting, oh.

thought the Lord returns. We've had peace for a thousand years, but now the city hurts. and the madness starts to lose its hold. C'est quasiment la musique de messe. Hey, c'est vraiment intense. Hein? C'est des Norvégiens. Là. C'est encore du gros scandinave. Meilleur. C'est scandinave go-go. Wow. Non, franchement, là, c'est comme on disait tantôt, hein, l'Italie ou la Scandinavie. Là, mais C'est le groupe Fatal Fusion. C'est leur du second disque. Oui. Qui s'appelle The Ancient Tale. Et c'est du bonbon de même tout le long. Là. On en redemande déjà. Ça vient de paraître, mais on en veut déjà un autre. Donc, ça nous vient de la Norvège, Fatal Fusion de Ancient Tale. Puis avant, on avait... Not a good sign. Oui. j'ai fait une petite expérience parce que j'avais constaté que... les deux. Empty Days et... comme je disais tantôt, c'était Empty Days et Fatal Fusion. Pas Fatal Fusion, Not a good sign. C'est deux projets du même bonhomme, Francisco Zago. Et puis... Il s'est amusé à reprendre une pièce de Not a Good Sign, mais d'une autre façon complètement différente. Et c'est que j'ai allié les deux ensemble. Donc, ça, c'est un petit trip. Oui, je sais, Bruno, il nous fait signe. Il s'est temps de sortir les gars. De vous dire, bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On espère que ça vous a plu. Et puis, ben, restez des nôtres, évidemment. Il y a l'autoroute qui s'en vient. Bonne nuit. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Du 7 au 15 décembre, Sillon le disquaire vous offre à prix très festif des dizaines de nouveautés, dont celles d'Émile Proucloutier, de Pierre Lapointe, de Vincent Delerme, de Lou Doyon, d'Anushka Shankar, de Billy Joe et Nora Jones, Dark and Fire. Sillon le disquaire qui fête Noël en musique au 1149 Avenue Cartier, 418-524-8352, sillon.com. Dans certains pays, votre frère pourrait être torturé et emprisonné à vie parce qu'il est homosexuel. Et votre fillette de 9 ans pourrait être aspergée d'acide. Parce qu'elle refuse de se marier. Ce 10 décembre, journée des droits humains, prenons le temps. Observons une minute de silence, une minute d'espoir pour ces hommes et ces femmes contraints au silence. Agissons à amnesty.ca. Les mercredis à minuit, CKRL vous propose les mixtapes. Une sélection musicale dont vous êtes le héros. Pour entendre vos choix musicaux sur nos ondes, faites-nous parvenir votre fichier audio et la liste de vos chansons. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Programmation et cliquez sur la page Mixtape pour plus de détails. C'est maintenant à vous de jouer. Cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque.